Je cours pour le dernier bus. Je cours toujours, toujours, car le boulot me suce. Je trotte, je me frotte à tout ce qu'ont un look. Et merde, j'ai encore loupé le marché et le vieux souk. Je parle, j'ai peur du silence. Je parle souvent, souvent, je nie mon existence. Je fuis et j'oublie le fruit de mes questions. Et merde, j'ai encore voté un homme contre ma raison. Je fais toutes sortes de choses. Je fais souvent, souvent semblant que je suis pomme rose. Je m'ampute et j'exécute les lois qu'on a proscrites. Et merde, j'ai encore loupé tous les détails de ma vie. Je découpe mes culottes en string. Je découpe mon corps, la mode me voudrait fine. Je mange et j'engrange des vitamines poubelles. Et merde, j'ai encore trouvé des trucs vraiment bizarres dans mes selles. Je mens pour les petites broutilles. Je m'en veux tellement. Quand je mens ma famille, je teste et je déteste le réel de ce monde. Et merde, j'ai encore bouffé le peu qu'il me reste d'ongles. Je meurs en croyant survivre. Je prie les dieux pour arrêter d'être ivre. Je passe et j'agace les gardiens des cimetières. Et merde, j'ai encore fait croire que j'allais me foutre en l'air, quoi. Je veux partir en voyage. À quand Shiva, je serai devenue sage. Je m'invente et je chante le plaisir de vieillir. Et merde, j'ai encore oublié que pour vieillir, il faut vivre. Ce jour, un jour, je serai devenue moi. J'aurais compris, bah, que je vaux mieux que ça. Viendra, coulera mon âme dans ma chair. Plus de merde, je renaîtrai dans le ventre de la terre. Le ciel, le miel couleront dans mes veines. Mon nom, prénom, mon âge, ma rage ne seront plus essentiels. Le vent, les gens, la camarde et son trou ne me feront plus peur, je leur dévoilerai mon cou. Ah, tu veux mon cou? Vas-y, vas-y, prends-le, tu peux. Vas-y, j'ai pas peur, je te jure, vas-y, vas-y, prends-le. Quoi, tu le veux pas? Mais je comprends pas pourquoi tu le veux pas.